Ezdine Noureddine, conte arabe, de Francis Vey. Sous le règne glorieux de ce Zayn al-Asnam, qui posséda 9 statues faites d'un seul diamant, la ville et la cour de Bassora s'entretinrent beaucoup durant près de 14 lunes du jeune Ezdine, fils d'Abou Aïdou. Cependant, Ezdine Noureddine ne brillait ni par ses grandes richesses, ni par les emplois qu'il occupait, ni par l'éclat que l'on tire du nom de ses aïeux. Son père, ancien marchand de Bagdad, s'était retiré dans une habitation champêtre au bord de l'Euphrate, et jusqu'à sa mort, il garda les habitudes qui convenaient à son origine, à la modicité de sa fortune et à ses goûts, qui n'étaient point indignes d'un philosophe. Un génie, à qui le trafiquant avait autrefois rendu un léger service, daigna, quand son fils vint au monde, assister à sa naissance et le douer, à la demande expresse du père, des plus brillantes qualités de l'esprit et du corps. Abou Aïdou, placé près du berceau, leva les mains au ciel en signe de reconnaissance, mais non content de ses dons arrachés à l'humeur trop accommodante peut-être du génie, il lui dit « Seigneur, daignez mettre le comble à ma gratitude en ajoutant un don aux deux premiers. J'ai toujours vécu dans le travail, et le travail m'a donné le bonheur. Faites que mon fils soit l'artisan de sa fortune et qu'il ait comme moi la satisfaction de n'être redevable qu'à lui-même. » À ces mots, le génie secoua la tête et prit un air pensif. « Qu'il soit fait selon ton désir, » murmura-t-il. « Mais si j'avais tout d'abord prévu cette nouvelle fantaisie... » Il n'acheva pas et jeta sur l'enfant un regard assez triste. Le marchand prosterné ne se sentait pas d'aise. Cependant, Ezdine Noureddine grandissait. À peine âgé de 8 ans, il avait des réparties si piquantes qu'il rentrait chaque soir au logis chargé de houillons et le visage meurtri par les enfants du voisinage, qui, ne pouvant lutter avec lui de malice et de raillerie, se dédommageait autrement. Abou Aïdou avait pour voisin un iman encore jeune et assez instruit. Il s'offrit, par amitié pour le père, à faire étudier le fils, qui, dans les premiers temps, fit de rapides progrès. Mais il saisissait les éléments des sciences avec une telle facilité que son esprit, trop peu absorbé, ne prit jamais l'habitude de travailler. Ezdine était distrait, capricieux. Le Coran lui inspirait des objections à faire frémir le moufti. Quant aux sciences naturelles, il les entrevoyait dans la poésie et écrivait, sous cette influence, de si beaux vers que son maître employait autant d'heures à l'admirer qu'à l'instruire. La beauté de Ezdine n'était point inférieure à son intelligence. On le suivait dans les rues de Bassora. Il pouvait se mirer dans tous les yeux. Son éducation était à peine achevée lorsqu'il perdit son père, le premier et le plus humble de ses admirateurs. Ezdine, affligé de cette séparation, avait trop d'esprit pour n'y pas trouver des consolations efficaces. Ce qui le consola beaucoup moins, ce fut d'apprendre que son père, pour vivre dans l'aisance, avait été contraint d'abandonner après lui sa maison et ses biens à des Juifs qui, moyennant ce pacte, lui fournissaient une pension de 3 700 sequins. Le testament du bonhomme contenait ce peu de mots. « Je te laisse bien riche, car tu possèdes la beauté qui rend aimable et l'esprit qui sert à parvenir à tout. » D'abord, Ezdine fut un peu interdit. Mais la bonne opinion qu'il avait de lui-même le rassura. Il serra la bourse que cet excellent père lui avait laissée pour subvenir à ses premières détresses, et s'étant consulté sur sa vocation, il reconnut, avec plus de satisfaction que de surprise, qu'il était propre à tout. « Si les emplois me répugnent, se disait-il, et l'on prétend qu'ils hébètent, j'aurai toujours la ressource d'épouser quelque fille de calife ou d'empereur. » Et son miroir, conseiller fidèle et assidu, lui répétait en souriant « Tu épouseras quelque fille d'empereur. » Peu de temps après, il n'était question par la ville que du bel Ezdine Noureddine. Quand il passait, on voyait s'agiter les jalousies des fenêtres. Quand il parlait, les jeunes gens à la mode faisaient cercle autour de lui et recueillaient ses bons mots pour les redire. Chacun voulait être de ses amis, mais il avait trop de mérite pour goûter celui de ses compagnons que d'ailleurs il intimidait. Il trouva peu de rivaux et ses aventures firent grand bruit. Les grands personnages, troublés par la jalousie, lui fermaient soigneusement leur maison et l'évitaient de leur mieux. Bientôt, le fils d'Abou Aïdou devint si célèbre que le prince, curieux de juger par lui-même si la renommée n'exagérait pas ses mérites, l'envoya chercher. Zayn al-Asnam, chargé de la conversation fine et de l'enjouement de notre héros, lui fit un présent considérable, le logea dans son palais et résolut de se l'attacher. Chacun alors courtisa Ezdin, et les hommages dont Djafar, le vizir et le favori du roi étaient jusque-là l'objet, se partagèrent. Les courtisans et Djafar lui-même se tournèrent vers l'astre naissant. Cependant, Djafar courbait la tête, mais non le cœur, et il était dévoré d'un secret dépit. Ses sentiments étaient partagés. Autant Ezdin plaisait à un sexe, autant il déplaisait à l'autre. Ses remarques ingénieuses sur la laideur de celui-ci, sur la sottise de celui-là, étaient d'autant plus acérées qu'on ne pouvait le combattre avec les mêmes armes. Il défiait la critique et encourait, à son insu, la haine profonde qu'engendre l'impuissance forcée. Zeyn le consultait à tout propos et lui soumettait même les avis que dans son conseil il recevait de ses ministres. Ezdin, commentant leur raisonnement avec un esprit invincible, les discréditait sans même le vouloir. Les plus habiles, les plus expérimentés pâlissaient à côté de lui. Djafar, consterné, finit par jurer de le perdre. Dans ce but, il captiva sa confiance par une servilité prodigieuse et s'entretenant avec lui des actes et du caractère du roi, il en tira quelques-unes de ses fines critiques, de ses railleries, de ses raisonnements spécieux et piquants, dont à son tour il se fit des réponses mordantes à toutes les observations de Zeyn. Ajoutons qu'il ne manquait guère de citer son auteur avec toute la déférence et la solennité possible. L'autorité de Ezdin était invoquée sans cesse comme celle de Zoroastre ou du prophète. L'impatience monte vite au cœur des souverains contredits. Zeyn se plaignit à son favori, qui d'abord se justifia sans peine, mais à la longue, l'orage s'amoncela, le roi dissimula ses griefs et ne se plaignit plus. À dater de ce moment, le bon roi Zeyn ne mêla plus sa voix au concert de louanges, que pour lui plaire, on faisait retentir à son oreille. La célébrité d'Ezdin l'obsédait, mais comme il était juste, il s'abstenait de châtier ce glorieux. Ce prince avait pris pour épouse la fille de l'imam Boubekir Mouezzin, bien qu'elle eût les yeux bleus, ce dont les prêtres avaient murmuré. La beauté singulière de Ezdin rendait chacun défiant et ombrageux. Djafar fit si bien par ses artifices que le roi devint jaloux et se crut offensé par notre héros. Un jour, il manda Djafar et lui commanda brusquement d'emmener le séducteur au bord de l'Euphrate, de le faire coudre dans un sac et de l'abandonner aux vagues. Prévenu secrètement par une des femmes de la princesse, Ezdin, au lieu de s'enfuir, se plaça sur le chemin de Zeyn, et l'ayant rencontré comme le prince se rendait à la mosquée, il se prosterna devant lui et déchira ses vêtements en s'écriant « Lumière de la Perse, diamant du trône d'Allah, étoile de l'Asie, votre esclave est prêt à mourir puisqu'il a le malheur de vous déplaire. Il ne craint ni le noir Iblis, ni les supplices les plus cruels, mais il ne peut supporter la pensée d'emporter votre haine. Seigneur, il expire à vos pieds augustes, si le pardon d'un crime qu'il ignore ne descend de vos lèvres sacrées jusqu'à sa misère. » Il ajouta d'autres propos fort persuasifs. Le son de sa voix, son adresse, émurent Zeyn, qui n'osait confesser un sentiment dont il se sentait humilié. Après avoir fait relever Ezdin, il lui fit grâce de la vie, mais il le bannit du palais dont il lui interdit à jamais l'entrée. Voilà donc l'incomparable Ezdin plongé dans la plus profonde détresse. Il erra tout le jour dans les rues de Bassora. Chacun fuyait le disgracié comme s'il eut la peste. Les dames le plaignaient tout bas, mais sa beauté était trop éclatante et sa galanterie trop connue pour qu'elles osassent affronter les mauvaises langues en lui offrant un asile. Sur le soir, il se retira dans un cimetière où, rêvant à sa sombre destinée, il se laissa surprendre par la nuit. La pauvreté, la disgrâce l'atteignaient dans son amour-propre, mais son plus grand chagrin n'était point là. Son cœur endurait un tourment plus rude et plus incurable. Depuis quelque temps, il avait fait la connaissance de la fille de l'émir Mobarek, et sa flamme devait être couronnée dès qu'il serait devenu vizir, ce qui paraissait assuré. Par malheur, s'il n'aimait guère en revanche, il n'aimait pas longtemps. La fille de l'émir avait une jeune cousine nommée Zobéide, légère, svelte et belle, comme on nous représente les péris. Le volage Ezdin la vit quelquefois en présence de sa jeune parente et il oublia ses premiers feux. Zobéide avait de grands yeux très allongés et rayonnants d'une douce lumière, tempérée par les cils épais qui ombrageaient sa joue. Son teint bel éclat des fleurs épanouies au soleil. Ses lèvres de corail encadraient des dents mignonnes, teintes avec la neige du Caucase. Elle avait la taille d'une géorgienne, les mains effilées d'une reine et le pied d'un enfant. On ne pouvait la regarder sans être ébloui, et le charme de son sourire agitait les cœurs. Sa voix était plus douce que celle des roseaux qui chantent le soir sur les bords du Gange. Mais ses perfections n'étaient rien auprès de celles de l'esprit et du jugement de Zobéide. Héritière de biens immenses, ce qui, sur les confins de l'Arabie, ne déprécie point la beauté, elle vivait chez son oncle Mobarek, ayant perdu son père, l'un des vizirs du commandeur des croyants, de l'invincible Haroun al-Rachid. Habituée à de faciles triomphes, Esdine avait cru qu'il lui suffirait de se montrer pour plaire et de parler pour vaincre. Mais il était destiné à reconnaître que, comme le dit le livre du Zend, la passion se fortifie par les obstacles. Zobéide restait insensible, et bien que sa cousine laissât le champ libre aux prétentions de son ancien fiancé, qu'elle aimait moins à mesure qu'elle le connaissait davantage, ce dernier, recherché pour son esprit, ne faisait aucune impression. Esclave, pour la première fois, d'un sentiment invincible et durable, il avait vu ses efforts inutiles. Son esprit, sa beauté, lui semblaient aussi impuissants auprès de Zobéide qu'il l'avait été à la cour de Zeyman al-Asnam. Sensible, mais fière, cette jeune fille restait froide au discours d'un soupirant confiant en lui-même, et c'est avec dédain qu'elle enchaînait ce conquérant à son char. Plus il montrait de mérite, moins elle semblait croire à son affection, plus elle témoignait de réserve et d'indifférence. Cependant, Esdine avait conservé quelque espoir jusqu'au moment où sa disgrâce, en les réduisant à la condition la plus misérable, le sépara pour jamais de Zobéide. Aussi, dans son chagrin, il portait envie aux morts qui dormaient à ses pieds dans le cimetière où il erra toute la nuit, arrosant de ses pleurs la terre consacrée, sur laquelle les cyprès et les ifs, argentés par la lune, découpaient des ombres gémissantes. « Don fatal des génies, s'écria-t-il, de quoi m'avez-vous servi? Mon esprit, supérieur à celui des humains, a fait de moi le dernier des hommes. Le plus beau des fils du prophète ne sera jamais aimé. » Comme il déplorait ses infortunes, le soleil, secouant les flots du golfe Persique, apporta de nouvelles peines à ce bel affligé. La honte d'être vu en si triste équipage et l'humiliation qui sert de cortège à la pauvreté. Il demeura caché dans ses bocages silencieux jusqu'à la dixième heure. Et comme la faim l'aiguillonnait, plutôt que de s'abaisser à tendre la main aux témoins de son éphémère splendeur, il résolut de s'avancer dans la campagne et de gagner Bagdad à petite journée. Dans ce dessein, il se mit à remonter le cours de l'Euphrate, mêlant ses soupirs au gai murmure des eaux. Sur le soir, il rencontra quelques opuntias tortueux et difformes qui lui fournirent leurs figues à demi desséchées. Il fut s'asseoir sur un rocher, accablé de lassitude, et il était sur le point de céder au sommeil lorsqu'un léger bruit le frappa. Tournant la tête, il aperçut une litière portée par quatre esclaves noirs et sur laquelle était à demi couchée une femme couverte d'un grand voile et abritée par un large parasol qu'une Nubienne tenait derrière elle, tandis qu'une autre suivante agitait un éventail autour de sa maîtresse. À peine eut-il vu cet équipage débouché d'un petit bosquet de palmiers, d'oliviers et d'alaternes, encadré d'aloès et de cactus, qu'il chercha à dissimuler sa présence en se jetant dans un gros buisson de myrte. Le cortège passa tout proche de lui. Mais quelle ne fut pas son émotion quand il crut reconnaître au travers des plis de la mousseline Zobéide la cause adorée de ses souffrances. Esdine n'eut pas la force de renoncer à un dernier entretien. L'éloquence des adieux le recherchait. L'amour le jeta sur le chemin de la princesse Zobéide, devant qui il tomba sur ses genoux et sur ses mains en sanglotant. Ce qu'il lui dit, je pourrais essayer de vous le rapporter, mais comme j'annonçais qu'il avait un esprit prodigieux, je craindrais ou de gâter ses discours ou de tomber dans la naïveté de certains grands conteurs de Babylone, qui, après une belle tirade, ne manquent pas d'ajouter « La reine, la princesse, fut étonnée de l'entendre s'exprimer si bien. Jamais elle n'avait ouï rien d'aussi spirituel, d'aussi galant, d'aussi sublime, etc. » Voilà pourquoi, dans notre conte, le héros ouvre rarement la bouche. Comme il n'en doit sortir que perles et topazes, et que notre écrin est le plus pauvre du monde, nous abandonnons le dialogue à l'imagination du lecteur, et nous ne laisserons parler Esdine que quand il n'usera pas de son esprit. Cependant, assez sûr que, semblable à toutes les personnes fort spirituelles, il babillait beaucoup. Son éloquence, toutefois, et ses yeux, qui brillaient sous la rosée des larmes, séduisirent Zobéide bien moins que l'aspect de ses malheurs ne la toucha. Elle avait sur le poing un oiseau plus petit qu'une colombe et d'un rouge écarlate, avec des plumes veinées d'or. Sa crête était couronnée d'une aigrette de rubis et de diamants. Sa gorge, entremêlée de menus plumages noirs, mariés à la couleur rouge par un menu duvet d'un gris tendre et irisé, portait un cou mince et élégant qui se tournait amoureusement vers la princesse. La queue de cet oiseau merveilleux se déployait en éventail avec la forme d'une lyre et étincelait de couleurs si vives, si variées, qu'elle renvoyait au soleil ses rayons dispersés en pluie de mille nuances. Ses pattes étaient gris d'acier, avec de fins cercles d'azur. Ses ongles avaient la teinte et la limpidité des émeraudes. « Seigneur Esdine, dit-elle d'une voix languissante, je serais charmée de vous secourir en quelque manière, mais ici, dans cette solitude, je ne sais comment m'y prendre. » À cet endroit, l'oiseau siffla, et la princesse eut une idée. « Vous voyez cet oiseau d'une espèce inconnue, c'est un présent du roi des génies, qui toujours m'a protégée en mémoire de mon père qui l'aimait beaucoup. Cet animal est une espèce de talisman. S'il ne donne pas le bonheur, il procure le moyen de venir à bout de toutes les entreprises. Tant qu'on le possède, on est, sinon soustrait à l'adversité, certain du moins d'en sortir. On n'a qu'à obéir aux instructions qu'il donne à sa manière. Oh, noble Esdine, je vous prête cet oiseau dont je ne me suis jamais séparé. Jurez-moi, par le nom sacré du prophète, que dans 8 jours, quoi qu'il arrive, vous me le rapporterez dans le palais de l'émir Bobarek à Bassora. » Esdine Noureddin prêta ce serment et demeura seul en compagnie de l'oiseau qui s'était posé sur son épaule. « Ainsi, murmura notre héros, un peu revenu de sa surprise, et après avoir curieusement examiné son nouveau compagnon, ainsi le plus bel esprit de l'univers n'a d'autre ressource que de se laisser guider par l'intelligence d'un volatile. » Après avoir adressé 1001 bénédictions à Zobéide, Esdine se sentit de nouveau tourmenté de la faim. Comme il y songeait, l'oiseau prit son vol à travers les buissons et fut se poser sur une touffe de laurier où Esdine le suivit. Il trouva là 2 pèlerins assis qui partageaient un repas champêtre, mais copieux, et auquel il exposa sa détresse. Ils le convièrent à partager leur collation, ce qui fut accepté de grand cœur. « Le ciel m'est témoin, leur dit-il ensuite, que je vous dois la vie. Cependant, telle est la profondeur de mes maux que je ne puis vous offrir qu'une reconnaissance stérile, qu'il me serait doux de vous rendre service à mon tour et de vous prouver que je ne suis pas un ingrat. » Il achevait à peine ces mots que l'oiseau, se précipitant derrière ses hôtes, jeta des cris perçants. Un serpent énorme s'avançait sur eux en silence. Ils n'eurent que le temps de s'enfuir. Esdine, au péril de sa vie, s'élança sur ce dangereux ennemi et d'un bâton qu'il tenait, il lui appliqua des coups si terribles que le reptile tomba partagé en 2 tronçons. Après avoir remercié leur libérateur, les 2 étrangers s'en allèrent, enchantés de la bonne mine, de l'agréable entretien, du courage de leur hôte et de la sagacité de l'oiseau merveilleux, qui conduisit son protégé dans une grotte où ils passèrent la nuit sur un lit de feuillage. Le lendemain, notre solitaire invoqua l'assistance du prophète. Il le supplia de l'aider à rétablir sa fortune et de lui donner les moyens de conjurer les noirs destinés. L'oiseau parut écouter et comprendre cette prière. S'échappant de la grotte, il y rentra bientôt, portant à son bec une petite plante à feuilles tendres, veloutées, exhalant un si doux parfum de fraises et d'oranges que, pressé par la soif, Esdine n'hésita pas à la porter à ses lèvres. La saveur en était exquise, mais à peine il en eut mangé, qu'il sentit sa pensée devenir vague, son esprit s'appesantir et sa mémoire se borner. Il essaya de poursuivre le cours de ses réflexions. Mais c'est avec beaucoup de peine et de lenteur qu'il assemblait ses idées. Il voulut parler à l'oiseau et ne lui dit rien que de vulgaire. Les efforts qu'il lui fallait faire pour concevoir et pour exprimer étaient nouveaux pour lui. Ils le fatiguèrent vite et il laissa dormir son esprit enchaîné. Il s'inquiéta peu d'un état qu'il jugea passager. Mais il se trompait. Sa raison était trop limitée sans doute en ce moment pour qu'il se livrât à des méditations suivies sur cette aventure. Ce qu'il avait mangé, c'était une branche de lotos, de cette plante qui croissait partout avant la venue du prophète. Depuis lors, les génies seuls savent la découvrir, et c'est en vain que les pauvres mortels la vont cherchant en tout lieu. Cette plante fait naître l'oubli. Elle fait partie des sept herbes mystiques qui symbolisent le bien et le mal. Esdine, n'en ayant absorbé qu'une faible dose, l'effet du narcotique n'avait atteint que son esprit. Ce n'est jamais pour ce résultat que les humains la désirent. Son cœur conservait ses amours et ses peines. Sans cesse, en son accablement, il appelait Zobéide, et bien qu'en cet instant il n'eût trop su que lui dire, il songeait à trouver un moyen de s'en faire aimer, et son esprit, si fécond naguère en expédients, ne lui en fournissait aucun. « Céleste oiseau, s'écriait-il, rubis vivant, qui étincelle et qui chante, ne m'aideras-tu pas à conquérir ta divine maîtresse ?» Sa requête fut entendue. Le charmant oiseau approcha tendrement sa crête du visage de Esdine, et ouvrant le bec le plus fin, le plus rose, il lui creva un œil. La douleur fut si vive qu'Esdine jeta un cri perçant et s'évanouit. Revenu à lui-même, son premier mouvement fut d'étrangler le perfide animal. Mais il ne put y parvenir. L'oiseau se dérobait à lui, voltigeant çà et là, avec une adresse miraculeuse. Désespérant de s'en rendre maître, le pauvre éborgné, que la douleur brûlait, alla laver sa blessure dans une fontaine qui murmurait près de là, et penché sur le cristal, il y entrevit son image. Quel changement! Ses traits, contractés, avaient perdu leur charmante harmonie. Tout un côté de la figure était altéré, et bien que l'autre demeurât magnifique, il fut contraint de reconnaître que le plus bel œil du monde ne peut, pour plaire, se passer de son voisin. Comment dissimuler cette disgrâce? On n'avait pas encore inventé les lunettes. Esdine était réduit à se montrer défiguré. Cette pensée l'empêcha de quitter sa solitude. Il s'y cacha plusieurs jours encore, trouvant sa nourriture avec l'aide de l'oiseau, auquel il conservait néanmoins une rancune amère. Cependant, le temps s'écoulait. Il avait juré de le rapporter à Zobéide au bout d'une semaine, et bien qu'il en eût tiré, à ce qui lui semblait, un médiocre avantage, il se sentit lié par sa parole. Il s'achemina donc, avant l'aube, vers Bassora, marchant avec lenteur et s'étudiant à cacher son œil sous les plis de son cafetan qu'il relevait comme pour se défendre du soleil. Dès qu'il eut mis le pied dans la ville, il reconnut que les opinions des mortels sont fragiles et leur cœur mobile comme les flots de la mer. Quoiqu'il philosophât peu depuis qu'il avait mangé le lotos, il fut frappé de voir que chacun avait changé à son égard, car en l'apercevant, les femmes, au lieu de le plaindre, comme le jour de son départ, passaient dédaigneusement en disant « Eh, le seigneur Esdine a perdu un œil, c'est grand dommage !» Puis leurs regards se détournaient, au lieu de le poursuivre comme autrefois. De leur côté, les hommes l'abordaient avec une bonne grosse pitié. « Quoi, c'est vous, seigneur Esdine ? Quel génie envieux et cruel a mutilé le chef-d'œuvre de la nature ? Que je suis sensible à votre accident. Ma femme en sera vivement touchée. N'oubliez pas que ma maison et mes esclaves sont à votre service. » Esdine répondait avec une douceur si mélancolique. Son esprit laissait un champ si libre aux fines railleries, qu'il ne saisissait pas toutes, que ces bonnes gens le quittaient enchanté. Il arriva de la sorte au seuil du palais de l'émir. Les deux cousines l'attendaient. À sa vue, la fille de Mobarek recula d'un pas, lui fit les protestations d'une éternelle amitié et se retira sous un prétexte quelconque. Resté seul avec Zobéide, Esdine lui rendit ce fatal oiseau, la remerciant de sa bonne volonté et déplorant l'accident funeste qui les séparait davantage encore. Il parla de son indignité, sans esprit, mais avec une humilité vraie. Il ne chercha point à briller, il n'y fut point parvenu, et la belle, profitant du silence de cet esprit, mit le sien en campagne, ce qui lui laissa une certaine satisfaction. Quand enfin le malheureux prit congé d'elle, ce fut avec un désespoir si immense, car il prenait congé de toute félicité terrestre, il exprima, avec un accent de vérité si tendre et si profond, la pensée qu'il emporterait dans son âme l'image adorée de Zobéide, et qu'il y rêverait jusqu'à la fin de ses jours comme on rêve aux fées et aux anges. Il découvrit si bien le fond de son cœur, que la belle Zobéide sentit s'adoucir en elle un orgueil désormais sans rival et sans but. Elle daigna même soulever le coin de son voile et lui abandonner une main que l'infortuné couvrit de ses larmes. Cette faveur, que jadis il lui trouvait légère, lui causa un ravissement qu'il ne sut point démontrer, mais que son silence et son trouble expliquèrent éloquemment. En le quittant, la nièce de l'émir voulut bien lui permettre de chercher auprès d'elle les consolations de l'amitié, ajoutant que son devoir était d'adoucir des mots dont elle était l'innocente occasion. Cependant, le bruit s'était répandu dans Bassora qu'Ezdin Noureddin, fils d'Abou Aïdou, était borgne, et que son enjouement et son esprit s'étaient éteints avec son œil, ce que les médecins attribuèrent aux humeurs fuligineuses qui, mises en mouvement par la blessure, avaient obombré les clartés de l'intelligence en s'épaississant sur le cerveau. Cela parut singulier. Chacun voulait voir Ezdin, les uns par curiosité, le plus grand nombre mû d'un sentiment vindicatif. Les plus grands seigneurs l'envoyèrent quérir. Il paraissait si modeste, si bien pénétré du sentiment d'une insuffisance qu'il s'exagérait. Il admirait si naïvement qu'on daigna lui montrer quelque indulgence. Il en provoquait l'expression par une contenance si soumise. Il la recevait avec une si fervente gratitude que les courtisans dont il flattait la vanité s'intéressèrent à lui. Chacun se donnait la joie de marcher à pattes de velours sur ce noble front humilié. Le grand vizir Djafar, ne le redoutant plus, résolut de l'attacher à son char. Il lui pardonna donc et lui assigna un emploi subalterne mais lucratif. Le bon Zeyn al-Asnam, revenu de ses préventions, et ne redoutant plus un borgne souple et médiocre, rendit justice à sa probité et lui fit don d'habits magnifiques. Enfin Zobéide, qui voulait être aimée sincèrement et qu'on se crut honoré d'être son époux, oubliait chaque jour que ce jeune homme humble et si désintéressé ne la regardait que d'un œil. Elle s'habituait à une disgrâce en dépit de laquelle Ezdin était encore un des plus beaux cavaliers de la Perse par la tournure et la distinction des manières. « Et quoi ? » s'écriait Ezdin dans son naïf étonnement. « Mon esprit, qui terrassait tous mes rivaux, ma beauté, qui a soumis les plus rebelles, n'ont servi qu'à ma perte. Et depuis que j'ai perdu ces dons inappréciables, tout me réussit. » Caprice étrange de la destinée. Il conserva son humilité et cette défiance de soi qui nous concilie la bienveillance d'autrui, suivant à son insu ce précepte de Zoroastre. Si tu veux devenir grand, sache te rapetisser. Comme il ne portait plus ombrage à personne, chacun se fit gloire, en travaillant à sa fortune, de se prévaloir d'un protégé et de jouer le rôle de bienfaiteur. Bientôt, son aimable médiocrité l'éleva au rang des vizirs. Plus il croissait en dignité, plus renaissait en lui l'espérance d'être digne de Zobéide, plus aussi il redoublait de soins, d'empressement et d'efforts, dans la crainte de perdre ses nouvelles illusions. Rassuré par sa conduite et subjugué par cette passion respectueuse et fidèle, Zobéide lui permit enfin de la demander à l'émir, qui la lui accorda. L'on envoya chercher le cadi, qui passa le contrat, et l'iman célébra le mariage, après quoi Mobarek régala magnifiquement les époux et les combla de présents. Zobéide offrit à son ami le précieux oiseau des génies, à qui Ezdin devait son bonheur. Non seulement Ezdin lui pardonna de lui avoir crevé un œil, mais il l'accabla de caresses, de biscuits, de dattes et de toutes sortes de friandises. Le soir même de ce grand jour, comme il était allé, suivant l'usage, s'enfermer seul à la mosquée pour prier, et méditer sur les vicissitudes du sort et le mystère des décrets de Dieu, il vit paraître un derviche orné d'une barbe argentée qui le contempla gravement et lui dit d'une voix pénétrante « Remercie le prophète qui t'a délivré des dons funestes que la vanité avait appesantis sur ta tête. Souviens-toi que la beauté est un avantage qu'il faut se faire pardonner et que l'esprit, séparé de la prudence, est l'instrument de notre perte. Esclave de tes fragiles attraits, tu as fermé ton cœur aux sentiments véritables. Jouet des caprices de ton esprit, tu avais étouffé en toi le jugement et la tolérance qui persuadent et gagnent les cœurs. Rien n'est plus funeste que de prétendre à des qualités disproportionnées à notre condition. Un esprit supérieur convient à un homme riche et puissant qui n'est soumis à personne. Il égare, il compromet un pauvre air en qui tout luxe de grand seigneur est déplacé. Que ton extérieur soit conforme à ta fortune. Cherche à plaire, non à éblouir. N'oublie pas que l'on paye cher les succès de l'amour-propre et que les puissances de la terre recherchent rarement ce qu'elles sont forcées d'admirer. Il faut savoir se plier aux préjugés comme aux faiblesses des mortels pour s'en faire bien venir. Moi-même, qui te parle ici, n'ai-je pas eu soin, pour que tu daignes m'écouter, de prendre la figure, la barbe blanche et le bonnet pointu d'un derviche centenaire. Ma leçon, tu semblais vaine dans la bouche d'un jeune homme. Cependant, c'est moi qui, présidant à ta naissance, t'ai légué à la prière de ton père ces dons imprudents dont je pressentais les résultats. Mais Abou Aïdou m'avait arraché la promesse de satisfaire à sa requête avant même que de l'exposer. » À ces mots, le génie, jetant sa barbe, son bonnet pointu et son caftan, parut sous la forme d'un adolescent. Ses yeux lançaient des éclairs, une robe de lin flottait comme un brouillard le long de son corps. Il déploya ses ailes et disparut aux regards étonnés de Hesdin, laissant après lui un sillon lumineux et parfumé. Instruit par l'expérience, Hesdin sut éviter les envieux et les flatteurs. Il fut modeste parce qu'il avait appris à se connaître. Il fut bon parce qu'il avait connu le malheur. Il fut heureux parce qu'il fut sage. Il fut toujours aimé parce qu'il ne devint point présomptueux. Ses nombreux enfants, doués par le bon génie d'une intelligence médiocre et d'un charmant caractère, faculté heureusement cultivée par Hesdin, parvinrent aux plus hautes dignités de l'État sous le règne de Mesrour, fils de Zeyn al-Asnam. Ainsi s'achève Hesdin Noureddin, conte arabe de Francis Veil.